De retour à Futur Sam sur CKRL 89.1 et on va revenir avec des sujets un peu plus vivants, quoique un peu dans les limbes, puisqu'on va aborder la question du rôle du sommeil dans l'apprentissage et la mémoire. Et pour nous en parler, j'accueille Morgane Lemasson qui fait un retour à l'émission. Bonjour Morgane. Bonjour Valérie. C'est un plaisir de te revoir à l'émission. Oui, moi aussi, je suis bien contente d'être là. Alors en effet, aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant avec Sylvain Chauvette qui travaille dans le laboratoire d'Igor Timofiev à l'Institut universitaire en santé mentale du Québec et qui vient tout juste de publier un article sur le sujet dans la revue Neurone. Bonjour Sylvain, félicitations. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors on pense souvent que le sommeil ne sert qu'à refaire le plein d'énergie et à se préparer au lendemain. Pourtant, on voit que son rôle est beaucoup plus étendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? Oui, ben effectivement, le sommeil est très utile pour avoir une bonne récupération intellectuelle et pour avoir une bonne récupération physique. Mais on sait depuis environ une dizaine d'années que lorsqu'on dort, notre corps commence à consolider l'apprentissage de la journée dans la mémoire, tout en améliorant notre capacité d'assimiler et de retenir les tâches quotidiennes. Donc c'est assez récent quand même. Oui, quand même, oui. Bon, il y a eu quand même des travaux au début du siècle dernier, mais disons les travaux, les percées les plus récentes sur la mémoire, c'est vraiment dans les 10 dernières années, effectivement. Donc, même de courtes périodes de sommeil, des petites siestes de 30 minutes ou d'une heure, ont montré un effet bénéfique pour l'apprentissage, pour la mémoire. Donc ça n'a pas besoin d'être de grandes périodes de sommeil. Mm-hmm. Même. Et donc, les petits dormeurs ne sont pas pénalisés? Non, pas du tout, non. Et donc, on sait qu'il y a plusieurs phases de sommeil. On parle notamment du sommeil léger, du sommeil profond qui est aussi, si je ne me trompe, le sommeil à ondes lentes. Oui, effectivement. Et le sommeil paradoxal qui, lui, est la période de sommeil où on rêve. Oui. Et parallèlement à ça, on sait qu'il y a différents types de mémoire. Ce n'est pas la même chose si on mémorise une langue ou un contexte, un événement. Alors, quelles sont les phases de sommeil impliquées dans la consolidation de la mémoire et est-ce que cela concerne tous les types de mémoire? Ou alors est-ce que certaines sont plutôt consolidées pendant la phase d'éveil? Ok, bon, c'est principalement pendant le sommeil que les mémoires sont consolidées. Et à peu près toutes les phases de sommeil sont importantes pour la consolidation de la mémoire, mais c'est principalement le sommeil à ondes lentes ou le sommeil profond qui est le plus important en fait pour la consolidation de la mémoire. Bon, comme tu en parlais, il y a au moins deux types de mémoire. Il y a les mémoires qu'on dit déclaratives. Donc ça, c'est ce qu'on peut se rappeler consciemment. Donc, par exemple, les connaissances générales, la capitale d'un pays ou ce qu'on a mangé pour dîner. Okay. Et ça, c'est principalement dépendant de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure interne du cerveau qui est fortement impliquée dans la mémoire. Et la mémoire, ce type de mémoire est consolidé principalement pendant le sommeil profond ou le sommeil à ondes lentes. Le deuxième type de mémoire, la mémoire non déclarative, c'est ce dont on utilise machinalement tous les jours sans vraiment en prendre conscience. Par exemple, lorsqu'on apprend à faire du vélo ou à patiner ou des trucs comme ça, on n'a pas besoin de penser à ce qu'on va faire. Donc, cette mémoire-là est principalement dépendante d'une autre structure du cerveau et elle serait consolidée plus particulièrement dans le sommeil paradoxal. D'accord. Et donc, est-ce qu'on connaît les mécanismes exacts qui régulent ces phénomènes-là? Bon, les mécanismes vraiment exacts, non, mais il y a deux théories. En fait, il y a la théorie de l'homéostasie synaptique, ou si on veut, un équilibre synaptique. Selon cette théorie, nos synapses, donc les connexions entre nos neurones, se renforcissent pendant l'éveil. Et puis, il y a des nouvelles connexions même qui peuvent être formées, en fait, et le cerveau est capable de réduire, pendant le sommeil à ondes lentes, va être capable de réduire la force de certaines synapses, des connexions qui vont être moins utilisées, qui vont être moins fortes, et ça va ramener un équilibre synaptique pour empêcher que notre cerveau manque d'espace ou manque d'énergie, en fait. Donc, en fait, c'est comme si on faisait le ménage pendant la nuit pour pouvoir accumuler de nouvelles mémoires par la suite? Effectivement. Donc, ça fait partie de cette théorie. Et il y a quand même plusieurs évidences, en fait, des études génétiques qui ont supporté cette théorie-là. Donc, vraiment, dans cette théorie, l'éveil sert à renforcer nos synapses et le sommeil sert à réduire l'efficacité de nos synapses et ça fait un équilibre qui permettrait d'avoir des meilleures fonctions cognitives ou d'un meilleur apprentissage et une mémorisation. L'autre théorie, c'est celle d'une réactivation des circuits impliqués dans l'apprentissage pendant le sommeil profond. Donc, c'est comme si notre cerveau rejouait une cassette de ce qu'il a appris dans la journée et il peut le rejouer plusieurs fois. Et donc, cette théorie-là, contrairement à l'autre, suggère que nos synapses sont renforcées pendant le sommeil. Donc, en rejouant plusieurs fois les événements de la journée, notre cerveau réussit à apprendre et devient plus efficace pour se souvenir de cette tâche-là ou de cette information qu'on veut apprendre. Bon, ça a été montré, en fait, dans l'hippocampe, chez une étude déjà qui date d'une dizaine d'années, où de l'activité électrique de certains neurones, ça a été montré que la tâche que l'animal devait faire durant le jour a été répétée plusieurs fois durant la nuit, la même séquence d'activation. Donc, ensuite, ces réactivations ont lieu pendant des périodes très spécifiques et assez courtes pendant le sommeil ondulant ou le sommeil profond. Et ça se produit principalement dans l'hippocampe, donc la structure dont on parlait tout à l'heure qui est importante pour la mémoire. Et bon, ce serait ce phénomène de réactivation qui ferait en sorte que l'on apprend et que la mémoire serait consolidée. Nos travaux à nous supportent davantage cette théorie. On a utilisé des micro-stimulations électriques. Et on a mesuré la réponse à ces micro-stimulations au niveau du cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est l'enveloppe du cerveau, c'est la partie la plus externe. Et puis, bon, ce qu'on a observé, en fait, c'est qu'on appliquait une certaine micro-stimulation, on enregistrait une réponse donnée au niveau cortical. L'animal s'endormait. Soit qu'on continuait la stimulation ou on l'arrêtait, dans les deux cas, ça donnait le même résultat. À l'épisode d'éveil suivant, le même stimulus produisait une réponse qui était beaucoup augmentée. Donc, en fait, la stimulation reproduit l'apprentissage. Oui, effectivement. C'est comme si on avait créé une tâche d'apprentissage. D'accord. Et la réponse des neurones était amplifiée suite à un épisode de sommeil. Donc ça, c'est vraiment en faveur de la deuxième hypothèse. Mais est-ce que les deux ne pourraient pas exister? Parce que d'un côté, vous avez l'hippocampe, de l'autre, le cortex. Oui. Et on sait que dans les différents types de mémoire, il y a un rôle différent des différentes structures. Donc peut-être que les deux théories seraient vraies, non? Oui, effectivement. Moi, je pense que les deux théories sont valides, dépendamment du type de mémoire qui doit être formé. Donc, je crois que les deux théories peuvent être complémentaires et non contradictoires. Et chez l'animal, il y a eu des études qui ont été faites pour montrer l'importance du sommeil sur la consolidation, mais cette consolidation peut se faire sur plusieurs jours. Oui, effectivement, des expériences avec des groupes d'animaux, même 48 heures après la tâche et la période de sommeil qui avait été permise pour l'animal, l'animal exécutait de mieux en mieux la tâche. Donc, l'apprentissage était meilleur même 2 jours après et la mémoire semblait vraiment être consolidée. D'accord. Et dans beaucoup de maladies, comme les maladies d'Alzheimer, la dépression, la schizophrénie, les troubles bipolaires, donc dans les maladies en santé mentale, on voit qu'il y a à la fois des perturbations du sommeil, les gens dorment moins bien, font beaucoup plus d'insomnie, mais aussi des problèmes d'apprentissage et de mémoire. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux symptômes-là? Oui, très probablement. En fait, on en sait encore très peu sur le sujet, mais on sait que c'est ça. Dans plusieurs maladies mentales, les patients souffrent de troubles du sommeil et ont des difficultés d'apprentissage. Est-ce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage parce qu'ils ont des troubles du sommeil? Je crois que oui, en fait, mais il n'y a pas de preuves directes présentement. Oui, puis on ne sait pas qui est la cause de quoi. Exactement, c'est ça. Donc, il reste encore beaucoup de travaux à faire à ce niveau-là, mais ce serait une hypothèse très plausible que les troubles du sommeil chez ce type de patients est la cause de leurs difficultés d'apprentissage. Et est-ce que les insomniaques ont des troubles d'apprentissage qui pourraient donc aussi répondre à la question? La même chose, oui. Et si on parle, par exemple, des patients qui souffrent d'apnée du sommeil, l'apnée du sommeil, c'est des brefs arrêts respiratoires pendant la nuit. Bon, ce sont des patients qui sont réveillés beaucoup plus souvent, donc ont une nuit beaucoup plus fragmentée, en fait, et ils ont des troubles d'apprentissage. Au total, ils dorment le même nombre d'heures qu'une personne dite normale. Donc, s'ils se réveillent plus souvent, ils ont moins de sommeil paradoxal, non? Oui, ils ont beaucoup moins de sommeil paradoxal, puisque le sommeil paradoxal arrive plus tard dans la nuit. Et est-ce qu'on voit un défaut dans un certain type de mémoire? En fait, on n'arrive pas à évaluer. Oui, c'est ça. J'ai vu seulement un article à ce sujet-là. Et bon, ils ont observé une difficulté dans la tâche qui était une tâche motrice, en fait, où le patient devait reproduire sur un clavier ce qu'il voyait à l'écran. Et ça doit être difficile aussi parce qu'il y a la fatigue aussi qui... Oui, qui est engendré, qui va au niveau moteur, pas faciliter les tâches à exécuter quand même. Oui, oui. Ma dernière question, c'était, bon là on voit que le sommeil sert à consolider la mémoire, mais est-ce qu'on apprend pendant la nuit? Oui, en fait, il y a des études très récentes qui ont été publiées dans la revue Nature Neuroscience, où il y avait, par exemple, une odeur qui était associée, oui, à un type d'apprentissage, et pendant que la personne dormait, ils ont repassé les odeurs à un certain groupe de patients, de sujets, et n'ont pas remis l'odeur pour les autres sujets. Et ceux qui avaient reçu l'odeur exécutaient mieux la tâche, qui était un apprentissage, en fait, de mots associés à une odeur. Donc, même pendant le sommeil, ces sujets-là étaient capables d'apprendre. Ouais. Parce que moi, mon ex-petit ami avait fait le même test sur moi. Il avait essayé de me faire apprendre des règles. Il était en musicologie, donc des règles d'harmonique. Enfin, des règles de base en musicologie. Le matin, il m'a reposé la question, donc j'ai su répondre. Ah oui? C'était assez compliqué, mais j'ai su répondre. Mais par contre, je n'ai pas retenu la réponse longtemps et j'étais exténuée comme si j'avais travaillé toute la nuit. C'était horrible. Merci beaucoup, Sylvain, et puis bonne chance et encore félicitations pour votre superbe article. Merci. Merci à tous les deux. C'était vraiment fascinant quand même de découvrir un petit peu comment fonctionne la mémoire et surtout de s'apercevoir que ça fonctionne sans notre intervention. Oui, c'est un peu plus vivant que le début. C'est vrai. Alors, merci beaucoup. Puis merci. Maintenant, en tout cas, je ne sais pas si ça favorise la mémoire, mais on va passer en musique. Et rappelez-vous, ensuite, on vous parle de l'éveil de la science chez les jeunes. Et tout ça sur CKRL au 89.1.